Préface, suite. Avec les Bourbons commence la monarchie absolue. Henri IV était ingrat et gascon, promettant beaucoup et tenant peu. Mais sa bravoure, son esprit, ses mots heureux et quelquefois magnanimes, son talent oratoire, ses lettres pleines d'originalité, de vivacité et de feu, ses aventures, ses amours même, le feront éternellement vivre. Sa fin tragique n'a pas peu contribué à sa renommée. Disparaître à propos de la vie est une des conditions de la gloire. On s'est fait une fausse idée de la manière dont les Bourbons parvinrent au trône. Le vainqueur d'Ivry ne monta point sur le trône, botté et prôné, en sortant de la bataille. Il capitula avec ses ennemis, et ses amis n'eurent souvent pour toute récompense que l'honneur d'avoir partagé sa mauvaise fortune. Détails à ce sujet. Quels étaient les 16 ? Comité du salut public de la Ligue. Procession pendant le siège de Paris. Description de la famine. Henri IV abjure. Il ne pouvait faire autrement pour régner. Croyait-il ? Henri IV allait porter la guerre dans les Pays-Bas lorsqu'il fut arrêté par un de ses envoyés secrets de la mort qui mettent la main sur les rois. Ces hommes surgissent soudainement et s'abîment aussitôt dans les supplices. Rien ne les précède, rien ne les suit. Isolés de tout, ils ne sont suspendus dans ce monde que par leurs poignards. Ils ont l'existence même et la propriété d'un glaive. On ne les entrevoit un moment qu'à la lueur du coup qu'ils frappent. Ravaillac était bien près de Jacques Clément. C'est un fait unique dans l'histoire que le dernier roi d'une famille et le premier roi d'une autre aient été tués de la même façon, chacun d'eux par un seul homme au milieu de leurs gardes et de leurs cours, dans l'espace de moins de 21 ans. Le même fanatisme anima les deux assassins, mais l'un immola un prince catholique, l'autre un prince qu'il croyait protestant. Clément fut l'instrument d'une ambition personnelle, Ravaillac, comme Louvel, l'aveugle mandataire d'une opinion. Les guerres civiles religieuses du XVIe siècle ont duré 39 ans. Elles ont engendré les massacres de la Saint-Barthélemy, versé le sang de plus de 2 millions de Français et dévoré près de 3 milliards de notre monnaie actuelle. Elles ont produit la saisie et la vente des biens de l'Église et des particuliers, frappé 2 rois d'une mort violente, Henri III et Henri IV, et commencé le procès criminel du premier de ces rois. Qu'a fait de mieux la Révolution ? La vérité religieuse, quand elle est faussée, ne livre pas à moins d'excès que la vérité politique, lorsqu'elle a dépassé le but. La monarchie des États expire sous Louis XIII. La monarchie parlementaire meurt avec la Fronde. Le premier vote des communes de France, lorsqu'elles furent appelées aux États par Philippe le Bel pour s'opposer aux empiétements de Boniface VII, fut ainsi conçu. Qu'il plaise au seigneur roi de garder la souveraine franchise de son royaume, qui est telle que dans le temporel le roi ne reconnaît souverain en terre fort que Dieu. Le dernier vote des communes aux États de 1614 fut celui-ci. Le roi est supplié d'ordonner que les seigneurs soient tenus d'affranchir dans leur fief tous les serfs. Ainsi le premier vote du tiers-état, en sortant de la longue servitude de la monarchie féodale, est une réclamation pour la liberté du roi. Son dernier vote, au moment où il rentre dans l'esclavage de la monarchie absolue, est une réclamation en faveur de la liberté du peuple. C'est bien être et bien mourir. J'ai dit pourquoi la monarchie des états ne se put établir en France. Richelieu devient ministre. Sa souplesse fit sa fortune, son orgueil, sa gloire. Toutes les libertés meurent à la fois, la liberté politique dans les États, la liberté religieuse par la prise de La Rochelle, car la force huguenote demeura anéantie, et l'édit de Nantes ne fut que la conséquence de la disparition du pouvoir matériel des protestants. La liberté littéraire périt à son tour par la création de l'Académie française, haute cour du classique qui fit comparaître devant elle comme premier accusé le génie de Corneille. Racine vint ensuite imposer aux lettres le despotisme de ses chefs-d'œuvre, comme Louis XIV le joug de sa grandeur à la politique. Sous l'oppression de l'admiration, Chapelain, Corat, Leclerc, Saint-Amand maintinrent en vain dans leurs ouvrages persécutés l'indépendance de la langue et de la pensée. Ils expirèrent pour la liberté de mal dire sous le verre de Boileau, en appelant de la servitude de leur siècle à la postérité délivrée. Ils eurent raison de réclamer contre la règle étroite et la proscription des sujets nationaux, ils eurent tort d'être de méchants poètes. Il n'y a qu'une seule chose et qu'un seul homme dans le règne de Louis XIII, Richelieu. Il apparaît comme la monarchie absolue personnifiée, venant mettre à mort la vieille monarchie aristocratique. Ce génie du despotisme s'évanouit et laisse en sa place Louis XIV chargé de ses pleins pouvoirs. La monarchie parlementaire, survivante à la monarchie des États, atteignit sous la minorité de Louis XIV le fait de sa puissance. Elle eut ses guerres, on se battit en son honneur, ses arrêts servaient de bourg à ses canons. Dans son règne d'un moment, elle eut pour magistrat Mathieu Mollet, pour prélat le cardinal de Retz, pour héroïne la duchesse de Longueville, pour héros populaire le fils d'un bâtard de Henri IV, pour généraux Condé et Turenne. Mais cette monarchie neutre, qui n'était ni la monarchie absolue ni la monarchie tempérée des États, qui paraissait entre l'une et l'autre, qui ne voulait ni la servitude ni la liberté, qui n'aspirait qu'au renversement d'un ministre fin et habile, cette monarchie, à la suite de quelques princes brouillons et factieux, passa vite. Louis XIV, devenu majeur, entra au Parlement avec un fouet, sceptre et symbole de la monarchie absolue, et les Français furent mis à la tâche pour 150 ans. Auprès de la comédie de Mazarin se jouait la tragédie de Charles Ier. Les guerres parlementaires de la Grande-Bretagne furent les dernières convulsions de l'arbitraire anglais expirant, les querelles de la Fronde, les derniers efforts de l'indépendance française mourante. L'Angleterre passa à la liberté avec un front sévère, la France au despotisme en riant. Le siècle de Louis XIV fut le superbe catafalque de nos libertés, éclairé par mille flambeaux de la gloire qu'élevait alentour un cortège de grands hommes. Louis XIV, comme Napoléon, chacun, avec la différence de leur temps et de leur génie, substituèrent l'ordre à la liberté. La monarchie absolue de Louis XIV était une nécessité, un fait amené par les faits précédents. Elle était inévitable. Le peuple disparut de nouveau, comme au temps de la féodalité, mais il était créé, il existait, il dormait, et se réveilla à son heure. Pendant son sommeil, il eut de beaux songes sous Louis le Grand. Il ne fut exclu ni de la haute administration, ni du commandement des armées. Quand la lutte de l'aristocratie avec la couronne finit, la lutte de la démocratie avec cette même couronne commença. La royauté, qui avait favorisé le peuple afin de se débarrasser des grands, s'aperçut qu'elle avait élevé un autre rival, moins tracassier, mais plus formidable. Le combat s'établit alors sur le terrain de l'égalité, principe vital de la démocratie. Il y eut monarchie absolue sous Louis XIV parce que l'ancienne liberté aristocratique était morte et que l'égalité démocratique vivait à peine. Dans l'absence de la liberté et de l'égalité, l'une moissonnée, l'autre encore en germe, il y eut despotisme, il ne pouvait y avoir que cela. La féodalité ou la monarchie militaire noble perdit ses principales batailles, mais les étrangers ne purent garder les provinces qu'ils avaient occupées dans notre patrie. Ils en furent successivement chassés. L'Empire ou la monarchie militaire plébéienne fit des conquêtes immenses, mais elle fut forcée de les abandonner, et nos soldats, en se retirant, entraînèrent deux fois avec eux les étrangers à Paris. La monarchie royale absolue n'alla pas loin chercher ses combats, mais le fruit de ses victoires nous est resté. Notre indépendance vit encore à l'abri dans le cercle de remparts qu'elle a tracé autour de nous. À quoi cela tint-il? À l'esprit positif du grand roi et à la longueur du règne de ce prince. Louis chercha à donner à notre territoire ses bornes naturelles. On a trouvé dans les papiers de son administration des projets pour reculer la frontière de la France jusqu'au Rhin et pour s'emparer de l'Égypte. On a même un mémoire de Leibniz à ce sujet. Si Louis eût complètement réussi, il ne nous resterait aujourd'hui aucune cause de guerre étrangère. Mauvais côté de Louis XIV, quand il eut cessé de vivre, on lui en voulut d'avoir usurpé à son profit la dignité de la nation. Ce prince fit encore un mal irréparable à sa famille. L'éducation orientale qu'il établit pour ses enfants, cette séparation complète des enfants du trône des enfants de la patrie, rendit étranger à l'esprit du siècle et au peuple sur lequel il devait régner l'héritier de la couronne. Henri IV courait avec les petits paysans pieds nus et têtes nues sur les montagnes du Béarn. Le gouverneur qui montrait au jeune Louis XV la foule assemblée sous les fenêtres de son palais lui disait « Sire, tout ce peuple est à vous ». Cela explique les temps, les hommes et les destinées. La vieille monarchie féodale avait traversé 6 siècles et demi avec ses libertés aristocratiques pour venir tomber aux pieds du 30e fils de Hugues Capet. Combien l'État formé par Louis XIV a-t-il duré ? 140 ans. Après le tombeau de ce monarque, on n'aperçoit plus que 2 monuments de la monarchie absolue, l'oreiller des débauches de Louis XV et le billot de Louis XVI. Louis XV respira dans son berceau l'air infecté de la régence. Il se trouva chargé, avec un caractère indécis et la plus insurmontable des passions, de l'énorme poids d'une monarchie absolue. Son esprit ne lui servit qu'à voir ses vices et ses fautes comme un flambeau dans un abîme. Faits et mœurs de ce temps, le duc de Choiseul, Madame de Pompadour, Madame du Barry, les grandes dames de la cour se scandalisèrent de la faveur de cette dernière. Louis XV leur sembla manquer à ce qu'ils devaient à leur naissance, en leur faisant l'injure de ne pas choisir dans leur rang ses courtisanes. Cet infortuné du Barry vécut assez pour porter à l'échafaud la faiblesse de sa vie, pour lutter avec le bourreau en face des tricoteuses, parques ivres et basses que pouvait allécher le sang de Marie-Antoinette, mais qui aurait dû respecter celui de Mademoiselle Lange. Pour la première fois, on lit le nom de Washington dans le récit d'un obscur combat donné dans les forêts, vers le fort Duquesne, entre quelques sauvages, quelques Français et quelques Anglais, 1754. Quel est le commis à Versailles et le pourvoyeur du parc aux cerfs? Quel est surtout l'homme de cour ou d'académie qui aurait voulu changer à cette époque son nom contre celui de ce planteur américain? À cette même époque, l'enfant qui devait un jour tendre sa main secourable à Washington venait de naître. Que d'espérances attachées à ce berceau, c'était celui de Louis XVI. Le règne de Louis XV est l'époque la plus déplorable de notre histoire. Quand on en cherche les personnages, on est réduit à fouiller les antichambres du duc de Choiseul, les garde-robes des Pompadour et des Dubarry. Nom qu'on ne sait comment élever à la dignité de l'histoire. La société entière se décomposa, les hommes d'État devinrent des hommes de lettres, les gens de lettres des hommes d'État, les grands seigneurs des banquiers, les fermiers généraux des grands seigneurs. Les modes étaient aussi ridicules que les arts étaient de mauvais goût. On peignait des bergères en panier dans les salons où les colonels brodaient. Tout était dérangé dans les esprits et dans les mœurs, signe certain d'une révolution prochaine. La société avait quelque chose de puéril, comme la société romaine au temps de l'invasion des barbares. Au lieu de faire des vers dans les cloîtres, on en faisait dans les boudoirs. Avec un quatrain, on devenait illustre. Mais ce serait assigner de trop petites causes à la Révolution que de les chercher dans cette vie d'homme à bonne fortune, dans cette vie de théâtre, d'intrigues galantes et littéraires, unies au coup d'État sur le Parlement et aux colères d'un despotisme en décrépitude. Cet abâtardissement de la nation contribua sans doute à diminuer les obstacles que devait rencontrer la Révolution. Mais il n'était point la cause efficiente de cette Révolution. Il n'en était que la cause auxiliaire. La civilisation avait marché depuis 6 siècles. Une foule de préjugés était détruite, 1000 institutions oppressives battues en ruine. La France avait successivement recueilli quelque chose des libertés aristocratiques féodales, du mouvement communal, de l'impulsion des croisades, de l'établissement des États, de la lutte des juridictions ecclésiastiques et seigneuriales, du long schisme, des découvertes du XVIe siècle, de la Réformation, de l'indépendance de la pensée pendant les troubles de la Ligue et les brouilleries de la Fronde, des écrits de quelques génies hardis, de l'émancipation des Pays-Bas et de la Révolution d'Angleterre. La presse, bien qu'enchaînée, conserva le dépôt de ses souvenirs sous la monarchie absolue de Louis XIV. La liberté dormit, mais elle ne dérogea pas, et cette antique liberté, comme l'antique noblesse, a repris ses droits en reprenant son épée. Les générations du corps et celles de l'esprit conservent le caractère de leurs origines diverses. Tout ce que produit le corps meurt comme lui. Tout ce que produit l'esprit est impérissable comme l'esprit même. Toutes les idées ne sont pas encore engendrées, mais quand elles naissent, c'est pour vivre sans fin, et elles deviennent le trésor commun de la race humaine. On touchait à l'époque où on allait voir paraître cette liberté moderne, fille de la raison, qui devait remplacer l'ancienne liberté, fille des mœurs. il arriva que la corruption même de la régence et du siècle de Louis XV ne détruisit pas les principes de la liberté que nous avons recueillis, parce que cette liberté n'a point sa source dans l'innocence du cœur, mais dans les lumières de l'esprit. Au XVIIIe siècle, les affaires firent silence pour laisser libre le champ de bataille aux idées. 60 ans d'un ignoble repos donnèrent à la pensée le loisir de se développer, de monter et de descendre dans les diverses classes de la société, depuis l'homme du palais jusqu'à l'habitant de la chaumière. Les mœurs affaiblies se trouvèrent ainsi calculées, comme je viens de le remarquer, pour ne plus offrir de résistance à l'esprit, ce qu'elles font souvent quand elles sont jeunes et vigoureuses. Louis XVI commença l'application des théories inventées sous le règne de son aïeul par les économistes et les encyclopédistes. Ce prince honnête homme rétablit les parlements, supprima les corvées, améliora le sort des protestants. Enfin, le secours qu'il prêta à la révolution d'Amérique, secours injuste selon le droit privé des nations, mais utile à l'espèce humaine en général, acheva de développer en France les germes de la liberté. La monarchie parlementaire, réveillée à la fin de la monarchie absolue, rappelle la monarchie des États, qui sort à son tour de la tombe pour transmettre ses droits héréditaires à la monarchie constitutionnelle. Le roi martyr quitte le monde, c'est entre les fonts baptismaux de Clovis et l'échafaud de Louis XVI qu'il faut placer le grand empire chrétien des Français. La même religion était debout aux deux barrières qui marquent les deux extrémités de cette longue arène. Fier sycambre, incline le col, adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré, dit le prêtre qui administrait à Clovis le baptême d'eau. Fils de Saint-Louis, montez au ciel, dit le prêtre qui assistait Louis XVI au baptême de sang. Alors le vieux monde fut submergé. Quand les flots de l'anarchie se retirèrent, Napoléon apparut à l'entrée d'un nouvel univers, comme ces géants que l'histoire profane et sacrée nous a peints au berceau de la société et qui se montrèrent à la terre après le déluge. Ainsi j'amène du pied de la croix au pied de l'échafaud de Louis XVI les trois vérités qui sont au fond de l'ordre social. La vérité religieuse, la vérité philosophique ou l'indépendance de l'esprit de l'homme et la vérité politique ou la liberté. Je cherche à démontrer que l'espèce humaine suit une ligne progressive dans la civilisation alors même qu'elle semble rétrogradée. L'homme tend à une perfection indéfinie, il est encore loin d'être remonté au sublime auteur dont les traditions religieuses et primitives de tous les peuples nous apprennent qu'il est descendu. Mais il ne cesse de gravir la pente escarpée de ce Sinaï inconnu, au sommet duquel il verra Dieu. La société, en avançant, accomplit certaines transformations générales, et nous sommes arrivés à l'un de ces grands changements de l'espèce humaine. Les fils d'Adam ne sont qu'une même famille, qui marche vers le même but. Les faits advenus chez les nations placées si loin de nous sur le globe et dans les siècles, ces faits qui jadis ne réveillaient en nous qu'un instinct de curiosité, nous intéressent aujourd'hui comme des choses qui nous sont propres, qui se sont passées chez nos vieux parents. C'était pour nous conserver telle liberté, telle vérité, telle idée, telle découverte, qu'un peuple s'est fait exterminer. C'était pour ajouter un talent d'or ou une obole à la masse commune du trésor humain, qu'un individu a souffert tous les maux. Nous laisserons à notre tour les connaissances que nous pouvons avoir recueillies à ceux qui nous suivront ici-bas. Sur des sociétés qui meurent sans cesse, une société vit sans cesse. Les hommes tombent, l'homme reste debout, enrichi de tout ce que ses devanciers lui ont transmis, couronné de toutes les lumières, orné de tous les présents des âges, géant qui croit toujours, toujours, toujours, et dont le front, montant dans les cieux, ne s'arrêtera qu'à la hauteur du trône de l'Éternel. Et voilà comme, sans abandonner la vérité chrétienne, je me trouve d'accord avec la philosophie de mon siècle et l'école moderne historique. On pourra différer avec moi d'opinion, mais il faudra reconnaître que, loin d'emboîter mon esprit dans les ornières du passé, je trace des sentiers libres, heureux si l'histoire comme la politique me doit le redressement de quelques erreurs. Au surplus, même dans mon système religieux, je ne me sépare point de mon temps, ainsi que des esprits inattentifs le pourraient croire. Le christianisme est passé, dit-on ? Passé ? Oui, dans la rue, où nous abattons une croix, chez nos deux ou trois voisins, dans la coterie où nous déclarons du haut de notre supériorité qu'on ne nous comprend pas, qu'on ne peut pas nous comprendre, que pour peu qu'une génération ne soit pas au maillot, elle est incapable de suivre le vol de notre génie et d'entrer dans le mouvement de l'univers. Grâce à ce génie, nous devinons ce que nous ne savons pas. Nous plongeons un regard d'aigle au fond des siècles. Sans avoir besoin de flambeaux, nous pénétrons dans la nuit du passé. L'avenir est tout illuminé pour nous des feux qui font clignoter les faibles yeux de nos pères, soit, mais nonobstant ce et sauf le respect dû à notre supériorité, le christianisme n'est pas passé. Il vient d'affranchir la Grèce et de mettre en liberté les Pays-Bas. Il se bat dans la Pologne. Le clergé catholique a brisé sous nos yeux les chaînes de l'Irlande. C'est ce même clergé qui a émancipé les colonies espagnoles et qui les a changées en république. Le catholicisme, je l'ai dit, fait des progrès immenses aux États-Unis. Toute l'Europe, ou barbare, ou civilisée, s'enveloppe dans différentes communions de la forme évangélique. S'il était possible que l'univers policé fût encore envahi, par qui le serait-il ? Par des soldats, jeûnant, priant, mourant au nom du Christ. La philosophie de l'Allemagne, si savante, si éclairée, et à laquelle je me rallie, est chrétienne. La philosophie de l'Angleterre est chrétienne. Ne tenir aucun compte, au moins comme un fait, de cette pensée chrétienne qui vit encore parmi tant de millions d'hommes dans les quatre parties du monde, de cette pensée que l'on retrouve au Kamtchatka et dans les sables de la Thébaïde, sur le sommet des Alpes, du Caucase et des Cordillères, nous persuader que cette pensée n'existe plus parce qu'elle a déserté notre petit cerveau, c'est une grande pauvreté. Il y a deux hommes que le siècle ne reniera pas. Sortis de ses entrailles, leurs talents et leurs principes sont loués, encensés, admirés de ce siècle. Ces deux hommes marchent à la tête de toutes les opinions politiques et de toutes les doctrines littéraires nouvelles. Écoutons Lord Byron et M. Benjamin Constant sur les idées religieuses. Je ne suis pas ennemi de la religion, au contraire, et pour preuve, j'élève ma fille naturelle à un catholicisme strict dans un couvent de la Romagne. Car je pense que l'on ne peut jamais avoir assez de religion quand on en a. Je penche de jour en jour davantage vers les doctrines catholiques. Mémoire de Lord Byron, tome 5, page 172. Pendant son exil en Allemagne sous le gouvernement impérial, M. Benjamin Constant s'occupa de son ouvrage sur la religion. Il rend compte à l'un de ses amis de son travail dans une lettre autographe que j'ai sous les yeux. Voici un passage assurément bien remarquable de cette lettre. Hardenberg, ce 11 octobre 1811. J'ai continué à travailler du mieux que j'ai pu au milieu de tant d'idées tristes. Pour la première fois, je verrai, j'espère, dans peu de jours, la totalité de mon histoire du polythéisme rédigée. J'en ai refait tout le plan et plus des trois quarts des chapitres. Il l'a fallu pour arriver à l'ordre que j'avais dans la tête et que je crois avoir atteint. Il l'a fallu encore parce que, comme vous le savez, je ne suis plus ce philosophe intrépide, sûr qu'il n'y a rien après ce monde, ou tellement content de ce monde qu'il se réjouit qu'il n'y en ait pas d'autre. Mon ouvrage est une singulière preuve de ce que dit Bacon, qu'un peu de science mène à l'athéisme et plus de science à la religion. C'est positivement, en approfondissant les faits, en recueillant de toutes parts et en me heurtant contre les difficultés sans nombre qu'ils opposent à l'incrédulité, que je me suis vu forcé de reculer dans les idées religieuses. Je l'ai fait certainement de bien bonne foi, car chaque pas rétrograde m'a coûté. Encore à présent, toutes mes habitudes et tous mes souvenirs sont philosophiques, et je défends poste après poste tout ce que la religion reconquiert sur moi. Il y a même un sacrifice d'amour-propre, car il est difficile, je le pense, de trouver une logique plus serrée que celle dont je m'étais servi pour attaquer toutes les opinions de ce genre. Mon livre n'avait absolument que le défaut d'aller dans le sens opposé à ce qui, à présent, me paraît vrai et bon, et j'aurais eu un succès de partie indubitable. J'aurais pu même avoir encore un autre succès, car avec de très légères inclinaisons, j'en aurais fait ce qu'on aimerait le mieux à présent. Un système d'athéisme pour les gens comme il faut, un manifeste contre les prêtres, et le tout combiné avec l'aveu qu'il faut, pour le peuple, de certaines fables, aveu qui satisfait à la fois le pouvoir et la vanité. Je consens à passer pour un esprit rétrograde avec Herder, avec l'école philosophique transcendante de l'Allemagne, enfin avec M. Benjamin Constant et Lord Byron. La société est aujourd'hui tourmentée d'un besoin de croyance qui se manifeste de toutes parts. Vainement, on veut contenter l'avidité des esprits en s'efforçant de les rendre fanatiques d'une vérité matérielle qui les trompe encore puisqu'elle se change en abstraction dans leur raisonnement. Ce faux enthousiasme ne mène pas loin la jeunesse. Elle ne peut ni se débarrasser de la tristesse qui la surmonte, ni combler le vide qu'a laissé en elle l'absence de toute foi. On n'admire pas longtemps un peu de boue sensitive. Dû ce peu de boue être composé d'esprit et de matière, et former cette prétendue unité humaine dont le système renouvelé des Grecs est encore une rêverie d'une secte bouddhiste. Quelle misère si cette vie d'un jour n'était que la conscience du néant. Telle est la suite des idées et des faits que l'on trouvera dans ces études historiques. J'ôte à mon travail, je le sais, par cette analyse, le premier attrait de la curiosité. Si j'avais l'espérance d'être lu, je me serais gardé de me priver de mon meilleur moyen de succès. Mais je n'ai point cette espérance. Un extrait, quoiqu'il soit déjà bien long, me laisse du moins la chance de faire entrevoir des vérités que j'ai crues utiles et qui resteraient ensevelies dans les 1500 pages de mes 3 volumes. Comme auteur, j'ai tort. J'ai raison comme homme. Lorsqu'on a beaucoup vécu, beaucoup souffert, on a beaucoup appris. À force de veiller la nuit, de travailler le jour, de retourner péniblement leurs sillons ou leurs voiles, les vieux laboureurs, comme les vieux matelots, sont devenus habiles à connaître le ciel et à prédire les orages. Il ne me reste plus qu'à remercier les personnes qui m'ont éclairé de leurs travaux ou de leurs conseils. Je dois à la politesse et à l'obligeance de M. le baron de Bensen, ministre de Sa Majesté le roi de Prusse, à Rome, un excellent extrait des Nibelungen que l'on trouvera à la fin du second volume de ses études. Le savant M. de Bensen était l'ami du grand historien Niebuhr. Plus heureux que moi, il foule encore ces ruines que j'espérais rendre à la terre, image pour image, mon argile en échange de quelques statues exhumées. Monsieur le comte de Tourguenieff, ancien ministre de l'instruction publique en Russie, homme de toutes sortes de savoirs, a bien voulu me communiquer des renseignements sur les historiens de la Pologne, de la Russie et de l'Allemagne. Pour dissiper des doutes relatifs à quelques points de la philosophie des pères de l'Église, je me suis adressé à M. Cousin, et j'ai trouvé que la vraie science est toujours accessible. Des conversations instructives avec M. Dubois, mon compatriote, m'ont éclairé sur les systèmes religieux de l'Orient. En parlant des hommes qui ont honoré ma terre natale, j'ai fait remarquer que la Bretagne comptait aujourd'hui M. l'abbé de la Menay. Si M. Dubois publie l'ouvrage dont il s'occupe sur les origines du christianisme, j'aurai de nouvelles félicitations à offrir à ma patrie. M. Pouqueville m'a mis sur la voie d'une foule de recherches nécessaires à mon travail. J'ai suivi sans crainte de me tromper celui qui fut mon premier guide au champ de Sparte. Tous deux, nous avons visité les ruines de la Grèce lorsqu'elles n'étaient encore éclairées que de leur gloire passée. Tous deux, nous avons plaidé la cause de nos anciens hôtes, non peut-être sans quelque succès, du moins quand je retrouve dans le Childerhold de Lord Byron des passages de mon itinéraire, j'ai l'espoir qu'à l'aide de cet immortel interprète, mes paroles en faveur d'un peuple infortuné n'auront pas été tout à fait perdues. On lira avec fruit une dissertation dont M. Lenormand a bien voulu me permettre d'enrichir mon ouvrage. M. Lenormand a parcouru l'Égypte avec M. Champollion. Il a lu les inscriptions sur ces monuments muets, séculaires, qui viennent de reprendre la parole dans leur désert. On ne dira plus des pyramides, 20 siècles descendus dans l'éternelle nuit, y sont sans mouvement, sans lumière et sans bruit. Les anciens ont constamment attribué à l'Orient l'origine des religions grecques. C'est sur cette base, contestée pourtant de nos jours, que M. Creuset a appuyé son grand ouvrage des religions de l'Antiquité. Depuis la publication de ce livre, l'étude religieuse de l'Antiquité a fait des progrès. Les secrets de la Perse et de l'Inde se dévoilent chaque jour. L'essai sur la religion arcadienne dont M. Lenormand s'occupe comprendra le passage des traditions orientales en Grèce dans leur forme la plus pure et la moins altérée. Le savant archéologue Panofka unit son travail à celui de M. Lenormand. Monsieur Ampère, fils de l'illustre académicien à qui la science doit des découvertes que le monde savant admire, m'a fait part, avec une complaisance infinie, de quelques-unes de ses traductions et de ses études scandinaves. Ces études sont extraites d'un grand ouvrage auquel M. Ampère a consacré ses loisirs, ouvrage qui sera l'histoire de la poésie chez les divers peuples, de la poésie prise dans l'essence même du mot et comme étant la portion la plus réelle, et certainement la plus vivante, de l'intelligence humaine. M. Lenormand et M. Ampère appartiennent l'un et l'autre à cette jeunesse sérieuse qui surveille aujourd'hui la fille de nos malheurs et l'esclave de notre gloire, la liberté. Qu'elle la garde bien. J'ai eu communication sur les écoles de l'Allemagne des notes instructives de M. Barchou et je me suis hâté d'en profiter. J'ai rencontré dans messieurs les directeurs de nos bibliothèques et de nos archives nationales cette urbanité, cette complaisance qui ne se lasse jamais et qui les rend si recommandables à leurs compatriotes et aux étrangers. Enfin, M. Daniello a recherché les manuscrits, les livres, les passages que je lui indiquais dans le cours de mon travail. Je lui dois ce témoignage public et en me séparant de lui, comme du reste du monde, j'ose le signaler à quiconque aurait besoin de l'aide d'un littérateur instruit et laborieux. Qu'ai-je encore à dire ? Rien. Sinon, c'est à Dieu que la bonhomie de nos auteurs gaulois disait autrefois aux lecteurs dans leur préface. J'imiterai leur exemple, mes longues liaisons avec le public justifieront cette intimité. Ainsi, m'adressant à la France nouvelle, adieu, amis lecteurs, il vous reste à vous votre jeunesse, un long avenir et tout ce qui entoure une existence qui commence. Il me reste à moi des heures flétries et ridées, un passé au lieu d'un avenir et la solitude qui se forme autour d'une existence qui finit. Tout lector, wale, et juventem haut kerte walantem ama. Ici se termine la préface des études historiques de François-René de Chateaubriand, enregistrée par Christiane Jehan.